Ouais. Voilà, depuis combien d'années cette maison existe et quelles sont les lignes forces de cette maison? Alors, la boîte à bulles, ça existe depuis 20 ans cette année, c'est notre anniversaire des 20 ans. Donc, créé en 2003 par Vincent Henry, qui est toujours à la tête de la maison, qui était journaliste bande dessinée au moment où il l'a créé, et qui, voyant de nombreux auteurs qu'il trouvait très talentueux, qui étaient plutôt dans le milieu du fanzine, qui n'étaient pas encore édités dans l'édition grand public, s'est lancé le pari avec, il me semble que c'était une autrice, de la publier. Et elle lui a dit, voilà, si t'es partante, on peut se lancer. Elle était partante, donc maintenant il avait un livre entre les mains et maintenant il fallait qu'il crée une maison d'édition. Donc ça s'est fait assez naturellement autour de plus ou moins de sa philosophie. Donc il n'y avait pas forcément un plan à l'origine, mais voilà, lui ce qu'il voulait c'était faire des livres humanistes, de faire des livres qui parlaient du réel, avec toujours une dimension assez poétique. Et c'est une ligne qui depuis 20 ans évolue à la marge, mais reste celle-là. Donc voilà, c'est faire de la bande dessinée du réel, parler de sujets de société, du témoignage, de l'intime, du documentaire et de l'historique, voilà. Bah alors du coup, on va rester sur cette première partie de question. La BD du réel, c'est quoi? Donc là, on a quelques éléments. Mais en quoi cette BD du réel a un lien avec l'expression populaire et la critique sociale? Vous avez 4 heures, c'est ça? 3 minutes. La bande dessinée du réel, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas forcément, y a pas forcément de définition précise. Moi, je dirais que la BD du réel, ça s'oppose à la BD de l'imaginaire. Donc, c'est la bande dessinée qui parle de notre réalité, qui parle qui s'inscrit dans notre réalité en tout cas, qui peut parler de choses plus intimes, mais c'est toujours voilà, le cadre et le nôtre. Et la deuxième partie de la question était. Ça, c'était la première partie, j'imagine. Ouais. La deuxième partie, c'était quel est le lien avec l'expression populaire et la critique sociale? Parler du réel, en quoi ça serait de critique sociale ou d'expression populaire, puisque c'est le thème du salon? Alors, quel est le lien? Alors, la BD du réel n'est pas nécessairement de la critique sociale, mais je pense que la bande dessinée est un médium qui est particulièrement adapté pour parler de sujets de société, notamment parce que c'est un médium qui est très très adapté à parler d'intime. C'est quelque chose qu'on voit qui fonctionne très bien, on peut avoir de la BD blog, on peut avoir des gens qui racontent leur quotidien et ça fonctionne, chose qui en roman par exemple peut moins fonctionner. Donc en fait on a quelque chose dans la bande dessinée qui est très incarné, qui est très intime, et donc quand des personnes veulent raconter leur combat, leur intimité, nous on a beaucoup ça à la boîte à bulles, des gens qui veulent parler d'une spécificité qu'ils ont, d'un combat qu'ils ont, comme celui de Fabienne qui prendra la parole juste après. La bande dessinée voilà, permet d'être au plus près de la personne, et à la fois c'est aussi un médium qui est extrêmement populaire, qui touche à peu près tout le monde en fait. Tout le monde lit de la bande dessinée. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que autant les plus jeunes, la bande dessinée jeunesse, le manga, ça reste de la bande dessinée. Autant les plus vieux, de la bande dessinée, comme on dit, bande dessinée à papa, on peut dire, donc des bandes dessinées plus classiques. Voilà, c'est un médium qui évolue et qui est assez multiple et qui du coup est assez adapté voilà, à parler à se faire l'écho de l'expression populaire. Alors, je vais poser une question qui va faire un peu après la transition. Ça concerne le lien avec les auteurs et autrices. Comment ça se passe à la boîte à bulles? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les projets? Est-ce que les projets viennent à vous? Est-ce qu'il y a des tressaillantes dans votre travail? J'accompagne énormément ces auteurs. On a beaucoup, beaucoup de premiers albums. Il me semble qu'on avait fait une statistique, on avait regardé. Et un auteur sur deux qui est à la boîte à bulles a commencé à la boîte à bulles. Donc on accompagne beaucoup les jeunes auteurs, et voilà notre travail du coup, vu qu'on a beaucoup de jeunes auteurs, de personnes qui se lancent, qui du coup n'ont pas forcément tous les codes, n'ont pas encore le recul critique, on est énormément dans un travail d'accompagnement où on va relire plusieurs fois, quitte à être des fois un petit peu chiant. Je laisserai les auteurs parler un petit peu après, mais quitte à être, voilà. Il faut qu'ils sortent, qu'ils sortiront. Donc voilà, quitte à être des fois un peu pointilleux, quoi, où on va faire énormément. Je pense à une BD sur laquelle je travaille avec un auteur en ce moment. Ça se passe super bien. L'auteur prend très bien toutes les remarques, mais on a fait peut-être 7 étapes de storyboard, voilà, où à chaque fois il retravaillait. Je lui disais, là, je pense qu'il y a, il faudrait plus que ça, tu le corriges, ça, on comprend pas bien, ça, voilà. Et quand les auteurs, surtout quand ils sont jeunes auteurs, souvent sont très ouverts à la critique, demandent ça, demandent d'avoir un avis extérieur, un retour extérieur. Voilà, nous, on va vraiment aider, on va soutenir l'auteur qui a besoin de créer, et l'autrice, bien sûr, j'utilise toujours le masculin, mais l'auteur et l'autrice. Voilà. Et du coup, en l'occurrence, comment la rencontre s'est faite? Voilà, et comment, voilà, c'est ça l'autre partie de la question, c'était d'où viennent les projets. La plupart du temps, les projets nous sont proposés par les auteurs et les autrices directement. Mmh. C'est assez rare que le projet vienne de nous. Ça arrive, il y en a cette année, il y en a un qui va sortir qui vient de notre chef Vincent. La plupart du temps, voilà, on nous propose, étant donné qu'on a beaucoup de projets qui sont proposés et qu'il y en a une bonne partie qui valent le coup, qui sont intéressants, en fait, on n'a pas besoin de chercher beaucoup ailleurs. Et à force de connaître les auteurs, en fait, ils reviennent vers nous quand ils ont bien aimé la collaboration et ils nous reproposent d'autres projets. Donc, en fait, on continue souvent comme ça. Et là, en l'occurrence, je pense que je laisserai Fabienne et Philippe parler de la rencontre parce que c'est un projet qui a été suivi par Vincent, du coup, comme je disais, mon directeur, leur projet. Mais il me semble que c'est un projet qui vient d'eux, qui sont tous les deux allés le proposer à Vincent. Et voilà, je les laisserai détailler. Bah du coup, c'est votre tour. Ouais. On va basculer le micro de votre côté. D'abord, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit déjà sur la rencontre, comment ça s'est fait cette rencontre avec l'éditeur? Est-ce que alors, c'est vous qui êtes allé vers lui? Alors, il se trouve que Vincent, moi, je l'ai rencontré. Je suis un ancien journaliste et j'ai fait pas mal de journalisme économique. Et puis aussi, j'ai toujours eu une passion. Donc, j'ai fait un peu de journalisme BD. Et Vincent, je le connais depuis bien avant qu'il crée sa boîte à bulles. Donc, on s'était rencontrés et il avait ce projet. Donc, je le connais depuis longtemps. Et tout naturellement, quand j'ai rencontré Fabienne, qui avait écrit un livre sur son histoire et que je proposais à Fabienne de le mettre en roman graphique, il est évident que la boîte à bulles faisait partie des éditeurs qui étaient tout naturellement appelés à éditer ce genre d'ouvrage. Donc c'est vrai que aller voir la boîte à bulles, bon, on a vu d'autres éditeurs, hein, on a essayé de faire un petit tour, mais c'est vrai que la boîte à bulles s'inscrivait naturellement dans le parcours que tout auteur fait pour quand il cherche à vendre un projet, quoi, voilà. Et du coup, dans la relation entre éditeur-auteur et autorise et éditrice, est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'il a dit? Complètement, alors complètement, en tout cas pour ma part, complètement, parce que moi j'ai quand même fait, avant cet ouvrage à la boîte à bulles, j'ai fait presque une vingtaine d'albums, par ailleurs, avec des maisons comme Dargo, Glénat, qui sont au demeurant des très bonnes maisons d'édition. Mais c'est vrai qu'à la boîte à bulles, il y a un suivi très particulier, et même quand on est un scénariste entre guillemets, je dirais pas confirmé, mais un scénariste qui a un petit peu de parcours, il est évident que moi j'aime bien avoir des remarques, même si parfois certaines remarques m'agacent. Mais j'aime bien avoir des remarques parce que ça fait progresser le bouquin, quoi. L'idéal, c'est quand même que le bouquin il soit le mieux possible. Et nous, on est tellement dans notre sujet que parfois on avait une remarque en disant, bah là, le lecteur va pas forcément comprendre. Alors que nous, on est complètement dans notre sujet. Voilà. Oui, et donc ça, ce sont des remarques très utiles, et je pense que bon, on a fait un bon bouquin, quoi. Voilà. Oui. Ouais, je voulais dire, moi, j'ai découvert la création d'une BD. J'en lisais pas beaucoup, quoi, en fait, de la BD, plutôt de la BD documentaire. Et quand Philippe me l'a proposé, c'était quand même en février 2018, au moment où sortait le livre qui raconte toute mon histoire sur sa parcours de vie, quand même sur plus de 40 ans. Et c'est un engagement militant. J'étais étonnée, quoi, qu'on puisse un engagement militant, ouvrier, dans une grande usine, là, de 68 à aujourd'hui, ça faisait... Je me disais, ben, bon, c'était impressionnant, quoi. J'y croyais pas trop, quoi. Elle m'a regardé avec de grands yeux. Et puis, voilà, puis le temps est passé, et puis le livre a eu un certain succès, et puis, enfin, oui, c'est quand même pas mal vendu. J'ai fait beaucoup de rencontres autour du livre. Et puis après, il y a eu le Covid, ben, voilà. Et on s'est dit, j'avais dit OK assez vite. Et moi, j'y connaissais rien. Et j'ai appris plein de choses avec Philippe. On a travaillé vraiment, on avait beaucoup de temps, mais c'était pendant le confinement. Et ça a été un peu compliqué, mais on habite pas loin. De toute façon, moi j'habite à Flins, lui il habite à Mantes, donc ça allait. On se réunissait tous les mardis après-midi, on travaillait 3 heures. J'ai appris ce que c'était un storyboard. Puis il a fallu qu'on cherche une illustratrice. Je voulais absolument qu'on ait une femme, parce que c'est un livre féministe, c'est sur le féminisme. Donc pour moi, c'était très important. Et parce qu'on n'est pas que tous les deux, il y a Elena Vieillard qui est illustratrice, et on n'aurait pas pu faire sans elle. Et voilà, donc. Et justement, quand on a écrit un livre et que tout à coup on a une adaptation BD, est-ce que c'est pas difficile de mettre des images sur les mots ? C'est très dur. Non, c'est pas les images, parce qu'il y a aussi des mots. Ouais. Et on a beaucoup travaillé sur l'image, justement. Il y a des passages qui rendent très très bien en dessin, voilà. Et nous, effectivement, on voulait toujours qu'il y ait beaucoup de mots, parce qu'on est auteur, donc on voulait toujours qu'il y ait beaucoup. C'était un peu le tiraillement entre le dessin et les mots, et il fallait absolument qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et puis, c'était surtout la fin, effectivement, quand tu parlais de nombre de fois qu'on a relu le storyboard, etc. À la fin, on se disait, ah non, il exagère quand même, c'était trop. Oui, mais on avait tendance à vouloir en mettre... Puis Fabienne avait son livre d'origine, et elle voulait vraiment qu'il y ait tout, et il ne pouvait pas y avoir tout. Impossible. Donc il a fallu... Choisir. Elle avait un bouquin de 300 pages, il devient 130 pages de BD. Donc il y a forcément des choix, et en plus dans la BD il y a des choses qui ne sont pas non plus dans le livre. Il y a des choses nouvelles. On a essayé de faire de compenser le manque par du nouveau. Oui, c'est exactement. Ça, voilà. Ouais. Et puis de mettre le focus aussi sur des éléments très personnels qu'elle n'avait pas forcément développés dans son ouvrage d'origine. Voilà, notamment les voyages en Pologne. Oui, l'année 1980 qui était une année très importante. Solidarność, etc. Voilà, et puis, mon histoire n'est pas qu'une histoire personnelle, c'est une histoire collective. Parce que c'était un engagement collectif avec un groupe militant, etc. Et on est resté longtemps. Je suis aussi devenue très vite syndicaliste, donc c'est beaucoup dans le collectif quand même. Les grèves, c'est du collectif. Les combats dans les entreprises, c'est beaucoup du collectif. Et le féminisme aussi, c'est du collectif. Il y a de l'intime et tout ça, mais il y a aussi du collectif. Donc c'est pas un livre sur une histoire personnelle. Pour moi, c'est une histoire collective. Bah, c'est ça qui est fort dans ce livre, c'est que c'est à la fois c'est la trajectoire personnelle d'une histoire collective. Mmh. C'est qu'on a vraiment ce dialogue, en fait, cette construction. Alors moi qui suis un ancien journaliste économique, il y a aussi 40 ans d'histoire de désindustrialisation de la France et d'histoire sociale. Mais du coup, dans le travail entre vous, comment ça s'est passé Du coup, vous êtes tous les deux de l'écrit. Oui. Oui. Et donc, sur la composition d'un livre ensemble, il y a eu quoi ? Concurrence, compétition ? Absolument pas. Absolument pas. Non. Et du coup, j'ai tenu à travailler en étroite collaboration avec Fabienne, parce que c'est quand même son parcours à elle. Mm-hmm. C'est pas le mien. Donc moi, j'interviens pour mettre tout ça en scène et en image, mais c'est sa vie à elle. Donc il fallait qu'il y ait un grand respect de son parcours. Donc j'aurais pas pu le faire sans lui être en permanence à travailler avec elle. Sinon j'aurais sans doute trahi certaines choses par méconnaissance. Voilà. Non, franchement, c'est très très bien entendu. C'était un plaisir de faire ça. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur comment construire une BD, la position des cases, tout ça. Parce qu'il y a des cases, il y a des grandes cases, il y a des grandes pages, puis il y a des pages où il y a plusieurs Oui, il y a des, on essaye autant que faire se peut avoir des chutes pour inciter le lecteur à tourner la page. Oui. Enfin, il y a des techniques un peu scénaristiques que. Mais sur l'écriture, du coup, parce que là, je comprends dans la composition ce que vous avez pu apporter au travail, mais sur l'écriture elle-même, les textes. On se réunissait, on travaillait ensemble et on faisait X pages. Des jours où on était en forme, on en faisait 5-6. Des jours où on était moins. On en faisait une. On en faisait une, voilà. Mais c'était dur, hein, cette période. C'était une période dure, je veux dire, pendant le Covid. Oui, il y a eu le Covid. En plus, on a un peu pris de. C'est vrai qu'on a un peu pris du retard par rapport au calendrier d'origine. À cause du Covid qui nous a un peu aussi déstabilisés. On était confinés. Il fallait aussi qu'on trouve beaucoup de documents pour Elena, pour l'illustratrice. Ouais. Et c'était difficile de trouver des documents. Rien que l'atelier de couture où j'étais, avoir des photos de l'atelier de couture, j'ai galéré pour en avoir. Il n'y en a quasiment pas. Donc il a fallu faire des recherches, des archives et trouver. C'était pas évident. Et puis, Philippe a eu aussi une super trouvaille, je trouve, qui donne du rythme dans la BD. C'est l'histoire des moutons, des moutons qui parlent. Voilà. Dans les usines, maintenant, les employeurs utilisent, même dans les villes, utilisent les moutons comme jardiniers. C'est-à-dire qu'ils tournent la pelouse, voilà. Et donc, moi, c'est un peu un truc fictif, en tant que héroïne du livre, un jour, j'entends les moutons qui me parlent. Et qui pose des questions. C'est un peu le ravi de la crèche qui pose des questions et ça fait rebondir à chaque fois le récit. Et ça, c'est une idée géniale. Il y avait le côté humoristique, mais en fait, l'idée m'est venue parce que effectivement, Fabienne parlait à la fin de son livre. Elle parlait effectivement de ces moutons qui avaient été mis sur les pelouses et elle comparait ça un peu aux ouvriers qui peuvent être parfois moutonniers ou etc. Et c'est vrai que j'ai eu ce déclic, j'ai dit mais c'est génial, on va la faire dialoguer avec les moutons, ça va être un peu les panurges quoi, qui les moutons qui sont en train de poser des questions un petit peu. Et donc ça permettait de relancer complètement le récit quoi. Parce que les moutons, il y a des moutons blancs et des moutons noirs. Les moutons noirs sont plutôt révoltés normalement. Voilà, c'est ça. Et oui, elle ne s'adresse pas toujours aux blancs, elle s'adresse aussi aux moutons noirs. Il y a les deux, il y a le dialogue. Enfin, il y avait cette idée quoi. Et donc ça donnait en plus une touche d'humour. Dans un bouquin qui n'était pas toujours humoristique. Hein, parce que d'avoir un peu de légèreté aussi. Oui. Il y avait aussi des passages difficiles quand même. D'approfondir des fois l'émotion. Et des fois, c'était difficile de trouver des images qui pourraient être utiles à Elena parce qu'elle, elle a même pas pu visiter l'usine. Ça aurait été bien qu'elle puisse visiter l'usine. Déjà, l'atelier de couture n'existait plus. Il a été externalisé comme beaucoup dans les usines d'industrie et en tout cas dans l'usine automobile. Ils ont beaucoup externalisé. C'était très difficile. Et en fait, quand on est militant dans ces années-là, on ne pense pas à prendre des photos quoi, pour la postérité. On fait des archives de tracts et tout ça, mais on ne pense pas à prendre des photos. Alors, j'avais quelques photos de la grève de la couture, il y avait quelques photos quand même. On avait quand même un copain, Daniel, qui était un des dirigeants de la CFDT ou le syndicat où j'étais à l'époque, qui prenait beaucoup de photos des grèves. Et là, j'avais vraiment un trésor quand même par rapport à ça. En fait, on prend souvent des photos exceptionnelles, mais rarement du quotidien. Oui, mais c'est ça. Oui, parce que les petits trucs quotidiens, il a fallu que je lui explique, je sais pas moi, le tablier de la fête des mères qui avait été offert par la CGT la première année où j'étais là, j'étais complètement stupéfaite. Il a fallu que je lui écrive comment il était le tablier. Tout avait le même tablier, et puis c'était un peu, pour moi, très choquant en tant que révolutionnaire, qu'un syndicat offre un tablier pour la fête des mères. Aujourd'hui, on en rigole, mais à l'époque, non, personne n'en rigolait. J'étais la seule, moi, à trouver ça abominable. Forcément, dans les comités d'entreprise, on file des tickets pour aller au Disney. Oui, c'est ça, mais c'est pas vraiment mieux que le tableau de cuisine. Alors, si on part sur le troisième élément de la rencontre, c'est la question de la réception. Vous avez parlé de la réception de votre livre. Maintenant, la réception de la BD, comment cette BD est perçue? Comment vous la vivez, justement? Ah oui, on constate qu'elle plaît énormément aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes. Féministes, parce que le mouvement féministe s'est quand même développé depuis un certain nombre d'années et qu'on en vend pas mal aux jeunes femmes, jeunes filles, jeunes hommes aussi, et puis aussi des militants, beaucoup les militants. qui voilà, trouve aussi c'est un moyen, un support important, voilà, intéressant pour parler de la contestation de la société de, dont tu parlais. Voilà. Et de l'histoire aussi. Les gens sont contents qu'on raconte cette histoire qui est un peu enfouie, qui n'a pas tellement été étudiée en fait. À part dans quelques journaux, mais il n'y a pas eu tellement de livres sur à la fois l'établissement dans l'usine et la condition ouvrière. Il n'y en a pas énormément, c'est pas à la une des journaux, quoi. Et quand on fait des séances de dédicaces, effectivement, où qu'on aille, on a toujours un public féminin, ça c'est certain, mais en général des jeunes femmes, hein, assez jeunes, qui s'intéressent. Voilà. Sans doute que le mot féministe les interpelle, mais en tout cas, elles, dès qu'on leur parle de livre, elles sont intéressées. Évidemment, dans la région où on habite, on n'est pas loin de Flins. Ouais. Alors là, on a eu un public aussi de gens des anciens de Renault, ça c'est sûr que ça leur parle. Donc les anciens de Renault l'achètent volontiers. Après, dans les librairies, on s'aperçoit que c'est un bouquin qui a besoin aussi de rencontres. Il a besoin qu'on en parle avec les gens. On a fait une très très bonne séance de dédicace à Louviers, par exemple. Très belle séance de dédicace où le libraire, la pile est partie, quoi, qu'il avait. Et les gens, c'était un public de militants, vraiment là. Là, on est vraiment dans notre cible. Oui. Mais ça peut intéresser d'autres personnes. Hein. Le public est assez varié. Je crois qu'il se vend pas mal, d'après ce qu'on a vu les chiffres. Enfin, il est paru en septembre. C'est un bouquin au long cours. Hein. C'est pas un bouquin qui va se vendre, qui va durer 3 mois et puis terminer. C'est un bouquin au long cours aussi, parce que ça raconte 40 ans, comme je le disais tout à l'heure, 40 ans d'histoire militante, syndicale et économique et sociale, quoi. Et féministe, oui. Voilà, et voilà. Donc on a 40 ans de mouvements sociaux au travers de Flins, quoi. Puis Flins reste, même si Flins va disparaître complètement, hein, parce qu'il n'y a quasiment plus rien aujourd'hui, ça reste quand même un mythe. Ouais, c'est ça. C'est un mythe quand même. Oui, parce que c'est une des dernières usines qui a arrêté la grève en juin de 68. Voilà, c'était les derniers Mohicans, comme on dit un peu, avec d'autres usines, mais c'était important pour ça. Et puis, moi, je trouve que c'est important de transmettre. Et justement, quand tu disais qu'il y avait des gens de l'usine ou autour qui l'achetaient, ils l'achètent aussi pour transmettre, oui, pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Oui, c'est peut-être aussi des mots que des fois on a du mal à prononcer, oui, qui sont dans un livre, oui, et qui nous parlent. Oui, parce que c'est très précis sur les conditions de travail, les rapports hiérarchiques, les petites histoires au travail, et puis les grandes grèves. Et voilà, donc c'est assez précis là-dessus. Oui, puis Fabienne ne cache rien. Elle est très lucide sur tout, donc elle ne cache rien. Elle peut même être critique sur certaines choses. Bon, elle cache rien sur le racisme, sur le sexisme, même dans le monde ouvrier, etc. Elle ne nous dresse pas un tableau idyllique, elle nous dresse un tableau en gris, je dirais. Il y a du beau, il y a du moins beau, etc. Elle n'a rien caché, quoi. C'est ça qui est important aussi. C'est pour ça que quand elle a présenté son livre, moi je me suis dit ça vaut le coup d'en faire un roman graphique, parce qu'elle est, tellement dans une démarche d'honnêteté, de choses, qu'il faut vraiment qu'on puisse toucher un autre public que son livre, qu'il a... je pense qu'on touche des gens différents, quoi. C'est ça aussi, avec la BD. Ah oui, non, c'est vrai que ça me fait réagir, parce que c'est ce que disait aussi Philippe sur les ventes qui risquent de se faire au long, et le fait que c'est un document qui est assez inédit. Et c'est en effet quelque chose auquel on fait très attention. Et ce que je disais, en fait, ça va me permettre de continuer sur ce que je disais sur le fait qu'on est très pointilleux sur les détails. C'est le fait qu'en fait, à la boîte à bulles, on a assez rarement des livres qui explosent à leur sortie. Par contre, on a énormément de livres qui se vendent sur le long. En fait, vu qu'on fait très attention à que historiquement tout ce qu'on dit soit sourcé, que tout ce qu'on dit soit véridique, on a des livres qui en fait intéressent dans un thème et qui en fait continuent à être une référence dans tel thème. Et je doute pas que ce livre, dans les luttes féministes, les luttes syndicales, dans quelques années, on le reverra encore ressortir dans des magazines, dans des... Et là, ça fait un an qu'il est sorti, et encore, vous continuez à faire des dédicaces, c'est... Voilà, c'est... Enfin voilà, ça me faisait réagir, ça... Très bien, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je sais pas si vous voulez rajouter encore quelque chose, peut-être pour le salon du livre ici, d'expression populaire et critique sociale qui fête ses 22 ans. Je sais pas si ça a un écho particulier pour vous. Ah oui, oui. Franchement, là on a commencé à faire un petit tour parce qu'on arrivait en retard, il y a eu un retard de train de Paris important. On était peut-être une grève le 1er mai, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on est resté un petit peu dans le temps des auteurs, mais on a été mangé, après on a commencé à faire un tour. Il y a des trucs, vraiment des stands super. Très politique justement, et très engagé, et des éditeurs que je connaissais pas du tout, et c'est très sympa, c'est super organisé. En plus de ça, on est sur un endroit magnifique, franchement. Cette place, c'est un bijou. C'est pas l'assaut, mais... C'est grandiose, franchement, c'est grandiose de faire une initiative comme ça dehors, un 1er mai. Voilà, on a hésité quand même, il y a la manif à Paris, mais bon... c'est une manifestation culturelle. Absolument, et politique. Et politique.